Bonjour à vous tous, voici les grands titres de ce journal. Environ 1000 hectares de la réserve naturelle de forestière de Vianda sont déjà partis en fumée depuis le début de cette saison sèche en cours. Ce phénomène diminue sensiblement l'attrait touristique dans cette région connue pour sa richesse en chimpanzés. Et la carence de certains produits braoudiens mérite Bujumbura et à l'intérieur du pays s'explique par les retards observés dans l'approvisionnement de cette entreprise en matières premières. C'est le ministre en charge du commerce qui l'a dit ce vendredi lors de la présentation du bilan annuel 2018-2019 de son ministère. Alors qu'en actualité internationale, en RDC, deux premiers cas ont été confirmé dans le sud du Kivu des cas d'Ebola. Et au Soudan, ce jeudi, le nom d'Abdallah Hamdok, un ancien fonctionnaire de l'ONU, a été choisi comme premier ministre pour diriger le gouvernement transitoire de ce pays. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isangani Lo ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. La carence de certains produits de la Braroudi continue à s'observer dans différents bars à mairie de Bujumbura. Des gérants de ces bars avancent que l'Amstel et le Coca sont ceux qui manquent beaucoup par rapport aux autres boissons. Ils suggèrent que la brasserie fasse le tout possible pour disponibiliser toutes leurs boissons comme c'était avant. C'est un reportage d'Ornella Mucho. Certains gérants des bars se plaignent que les boissons comme Amstel et Coca sont maintenant difficiles à trouver. Un de ces gérants avance qu'il y a une remarquable irrégularité au niveau de la distribution et souligne que cela fait qu'ils enregistrent une certaine perte puisqu'ils ne vendent pas les produits comme ils le souhaitent. Un autre fait savoir qu'il peut même passer plus d'une semaine sans qu'ils obtiennent l'Amstel et le Coca. Ils demandent à la Braroudi de régler ce problème. Il y a d'autres qui disent qu'ils préfèrent monter le prix des produits Braroudi. Ils soulignent qu'ils fournissent beaucoup d'efforts pour avoir ces produits. Et cette pénurie des produits Braroudi qui s'observe en mairie de Bujumbura comme à l'intérieur du pays est généralement due à la matière première qui n'arrive pas à temps. C'est l'explication du ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Jean-Marie Nyokindi, qui a indiqué que pour ce qui est du non-respect des prix sur le marché, les consommateurs ont aussi un grand rôle à jouer pour faire respecter ces prix. Il l'a dit ce vendredi lors de la présentation du bilan annuel de son ministère pour l'exercice 2018-2019. On l'écoute. C'est une question de la variation des prix de certains produits. Nous avons répondu en disant que il est même arrivé parce que l'industrie, le brasseur, la Braroudi, a connu des pénuries de matières premières. Donc des matières premières qui n'arrivent pas en temps prévu. En ce moment-là, il y a une pénurie de certains produits de la Braroudi. Et quand il y a pénurie, les commerçants spéculent, mais le ministère est toujours là pour balayer cette spéculation pour demander aux commerçants de procéder à ajuster les prix. Parce que les prix des produits comme les bières et les limonades, ils sont des prix qui sont connus et qui sont préfixés. Et donc, il n'y a pas de raison que normalement, même en cas de pénurie, si la Braroudi n'a pas revu ses prix, il n'y a pas de raison que les commerçants revoient à la hausse les prix de ces boissons. C'était le ministre en charge du commerce, Jean-Marie Nyokindi. Parlons maintenant politique. Le parti Union pour la paix et le développement UPD Zigamibanga compte participer à toutes les élections que le Burundi prépare pour 2020. Dans sa déclaration ce samedi au cours d'une réunion avec les représentants de ce parti dans les provinces, le président de ce parti, Abdoul Kassim, a appelé les autorités administratives à respecter la loi afin de mieux assainir les préparatifs de ces élections. Écoutez-le. Nous voudrions qu'on échange davantage sur les principales innovations du code électoral, mais aussi qu'on discute en profondeur sur le calendrier électoral qui nous a été présenté par la Commission électorale indépendante, la CENI, mais aussi qu'on regarde ensemble dans quelle mesure nous allons nous présenter aux élections 2020. Je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour vous dire que le parti PD Zigamibanga a déjà pris la résolution de se présenter dans toutes les élections seul, sans qu'il soit dans dans une quelconque coalition. Nous allons donner une place à notre parti, tenant compte du programme et de l'idéologie de notre parti. Et au niveau du parti PDS Gemewanga, nous, on n'a pas de problème avec n'importe quel parti que ce soit. Notre idéologie, notre programme, c'est la non-violence. Pour ceux qui sont intolérants les uns envers les autres, nous pensons que peut-être ils ne maîtrisent pas correctement l'idéologie de leur parti. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, je voudrais lancer un appel à tout le monde, que ce soit les politiciens, que ce soit les responsables administratifs au niveau local, de tous user dans un langage non-violent, de tous travailler sur base de la loi, parce que c'est uniquement la loi qui protège. Les politiciens doivent se baser sur la loi, les responsables administratifs doivent aussi se baser dans toutes leurs actions, dans tous leurs actes sur la loi, parce que si on est couvert par la loi, je crois que toute chose va bien marcher. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La compagnie Nega Holding Mining a obtenu un permis d'exploitation des minerais Colombo-Tantalite et ses minerais associés dans les localités de Nyanzaburenga, Busitwe et Buvyukana. C'est la réponse à la demande de cette permission d'exploitation par cette société minière, comme l'indique Prosper Narugwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, lors de la présentation du compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Suivez Prosper Narugwamiye, il est secrétaire général et porte-parole du gouvernement. La société Nega Holding Burundi SA a obtenu un permis de recherche de la Colombo-Tantalite et ses minerais associés sur le périmètre d'Orunyanghezi par décret numéro 100/155 du 13 mai 2015. Les recherches effectuées ont conclu à des résultats probants sur des cibles exploitables industriellement, dont celles de Nyanzaburenge et Gisitwe Uvyukana sont les mieux étudiées. En date du 23 mai 2019, la société Nega Holding Burundi SA a introduit une demande de permis d'exploitation sur le périmètre d'Uvyukana. Les services techniques ont analysé le dossier déposé par cette société et l'ont trouvé conforme aux exigences légales et propose de lui octroyer le permis d'exploitation sur le périmètre ciblé. Après échange et débat, le projet a été adopté moyennant finalisation par une équipe désignée à cet effet. Prosper Narugwamiye, c'était un extrait du compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Nouvelle de Provence, je vous l'avais dit en titre, environ 100 hectares de la réserve naturelle forestière d'Ovianda sont déjà partis en fumée depuis le début de cette saison sèche en cours. Cédric Tuyisenge est employé de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE en sigle, qui donne ce bilan. On dit que ce phénomène fait reculer sensiblement le tourisme dans cette région connue pour sa richesse en chimpanzés. Correspondance de Jean-Pierre Misago. De la fumée couvrait encore la localité de Kirerama dans cette réserve de Vianda ce samedi matin. Cédric Tuyisenge, employé de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, chargé de la protection de cette réserve, dit qu'environ 100 hectares de cette terre protégée sont déjà partis en fumée au courant de cette saison sèche, et cela malgré de multiples séances de sensibilisation sur les effets néfastes de ces incendies sur sa faune et sa flore, mais aussi sur la population environnante. Selon ce protecteur de l'environnement, il ne resterait plus qu'une trentaine de chimpanzés de la centaine qui peuplaient cette réserve il y a de cela 5 ans suite à la dégradation de la partie de cette réserve qui constituait leur habitat. Actuellement, cette terre dégradée n'attire plus les touristes qui ne sont plus certains de visualiser les chimpanzés, ces primates au comportement proche de l'homme. À leur portée, Cédric Tuyisenge dit que des clubs d'environnement sont créés dans les écoles environnant cette réserve et des associations de protection de cette réserve sont redynamisées. Mais, dit ce protecteur de l'environnement, il faut des actions d'envergure pour restaurer cette réserve qui ne resterait plus que sur 1500 hectares des 4670 hectares qu'elle comptait lors de son institution. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Et à Bubanza, cette province comprend plus de 800 enfants orphelins. Selon les enquêtes de l'association Calvary Transformation Ministries, Il a donné ces chiffres ce samedi dans une conférence en commune Rougazi et appelle dans une en commune Rougazi. Et le représentant légal de cette association appelle tous les fidèles des églises à soutenir les orphelins et autres vulnérables. Le pasteur Enoch Adric Atungimana invite les associations œuvrant dans le domaine de l'assistance aux orphelins et autres vulnérables de travailler en synergie afin de faire face à cette situation. Spes Caritas Kawanyana. Les enfants orphelins de moins de 18 ans et autres vulnérables se comptent à plus de 880 dans la province de Bubanza. La commune qui en compte plus est Gihanga avec 312 selon les enquêtes réalisées par l'association Calvary Transformation Ministries dans son projet ROVF qui s'occupe de l'assistance et prise en charge des orphelins et autres vulnérables. Le représentant légal de cette association indique que les chiffres des orphelins restent provisoires et appelle toute la population en général et tous les chrétiens en particulier à s'investir dans le domaine des vulnérables et des orphelins en ce qui est de la scolarisation, de la ration alimentaire, du logement, de l'habillement et autres domaines. Selon pasteur Enoch Aradrich Atungimana, les organisations et associations œuvrant dans ce domaine devraient travailler en synergie afin de rentabiliser leurs efforts. Il indique que le projet ROVF qui s'occupe des orphelins et autres vulnérables a déjà mis en place des groupements de solidarité où les communautés se rassemblent une fois par semaine et chacun se munit d'une somme de 100 francs de cotisation pour la caisse des orphelins. Pasteur Enoch Aradrich Atungimana avait organisé une conférence ce vendredi en commune Rougazi dans cette province de Bubanza, où les représentants de ce projet dans quatre provinces, Bubanza, Bujumbura, Bujumbura-Mairi et Cibitoke, ont été appelés à sensibiliser la population dans toutes les collines pour s'occuper des orphelins et des vulnérables. Spes Caritas Kawanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Actualité internationale. En actualité internationale, la RDC fait toujours face au cas d'Ebola. Deux premiers cas ont été confirmés dans le sud de Kivu. Il s'agit d'une femme et de son jeune enfant, selon le gouverneur du sud Kivu. La mère est décédée. Le nourrisson a été pris en charge par l'équipe médicale. Une femme et son jeune enfant ont été touchés par la fièvre hémorragique Ebola. Et cela s'est passé à Mwenga, c'est à 500 km de Bukavu, dans le sud Kivu, à l'est du pays. Et c'est la première fois que cette région est confrontée à la maladie depuis le début d'une épidémie. Cette fièvre hémorragique, il y a un an, dans le nord Kivu et l'Ituri voisin, selon le gouverneur de la région. La mère est décédée, je le disais. Le nourrisson prise en charge par l'équipe médicale et toutes les personnes ayant été en contact avec le DK sont toujours, selon le gouverneur, en cours d'identification pour vaccination. Et au Soudan, c'est Abdallah Hamdok, ancien fonctionnaire des Nations Unies, qui a été choisi par les chefs du mouvement de contestation pour diriger le prochain gouvernement. Le Conseil souverain, future autorité qui conduira la transition, doit annoncer mardi s'il le confirme à ce poste. L'alliance de l'opposition nommera également le procureur général et le chef du pouvoir judiciaire. Et le Conseil souverain, qui sera formé dimanche, selon le calendrier convenu, sera composé de 5 membres des deux partis et d'un civil désigné d'un commun accord. Et juste après sa mise en place, le Conseil militaire de transition sera dissous. Et il est prévu que la déclaration constitutionnelle soit signée ce samedi par les représentants des forces pour la liberté de changement FFC et ceux de la junte lors d'une cérémonie à Khartoum en présence de dignitaires étrangers. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle qu'environ 1000 hectares de la réserve naturelle forestière de Vianda sont déjà partis en fumée depuis le début de cette saison sèche en cours. Ce phénomène diminue sensiblement l'attrait touristique dans cette région connue pour sa richesse en chimpanzés. La carence de certains produits baroudis en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays s'explique par les retards observés dans l'approvisionnement de cette entreprise en matière première. Et c'est le ministre en charge du commerce qui l'a dit ce vendredi lors de la présentation du bilan annuel de 2018-2019 de son ministère. Et je venais de vous le dire, deux premiers cas confirmés dans le sud Kivu des cas d'Ebola. Il s'agit d'une femme et de son jeune enfant. La mère est décédée, selon le gouverneur du sud de Kivu. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et comme tous les samedis, vous aurez droit à la revue de presse. Et Eli Nibel Nibigira me rejoint pour la co-présentation. Jean Bosco, Douiman. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Un châtiment qui ne s'explique pas, titre le groupe de presse Iwachu, qui consacre son éditorial aux élèves emportés par la joie et qui ont par conséquent déchiré leurs uniformes après la passation de l'examen d'État. L'éditorialiste notait que certains directeurs des écoles s'apprêteraient à châtier les lycéens coupables d'avoir déchiré leurs uniformes pour célébrer leur joie de sortir du secondaire et d'accéder à l'enseignement supérieur. Iwachu et de nombreux lecteurs se sont exprimés là-dessus. Parents, éducateurs, syndicalistes, autorités de l'État à l'unisson ont condamné avec toute leur énergie ce comportement indigne et dégradant affiché par ces élèves sur la place publique. Pour eux, c'est une abomination, un affolement qui dépasse l'entendement. Cependant, si la mesure de ces directeurs devait être appliquée, ces lycéens n'auraient même plus droit à leur diplôme, laissant entendre notre confrère. Cet hebdomadaire trouvait qu'en tout état de cause, ce qui s'est passé, aussi déplorable soit-il, ne justifie en aucune manière un tel châtiment. La ministre et de l'éducation doit veiller à ce que les droits, dont celui d'avoir leur diplôme, de ces lycéens soient maintenus. La ministre de l'éducation doit veiller à ce que les droits de ces lycéens soient maintenus, dont celui d'avoir leur diplôme. Au cas contraire, l'histoire oubliera les habits déchirés de ces lycéens, mais pas les vies brisées pour une fantaisie de jeunesse, prévient l'éditorialiste. Vieux bus, après eux, le déluge. C'est le titre que Burundi Eco consacre à son éditorial pour évoquer la vétusté des bus de transport en commun en mairie de Bujumbura. Qui sont eux? S'interroge ce journal qui donne comme réponse. Ce sont d'abord les propriétaires de ces véhicules. Leur souci majeur est d'encaisser l'argent, ce qui peut même les inciter à utiliser de faux certificats de contrôle technique. Ensuite, le service de l'Otraco qui délivre les certificats de contrôle technique. Il en est de même pour la police spéciale de roulage et de la sécurité routière lorsqu'il assure son rôle de contrôle routier. Elle attire plus l'attention sur certains véhicules des particuliers que sur les bus de transport en commun. Le font-ils sciemment ou y a-t-il des spéculations à l'arrière-plan? S'exclame toujours ce confrère qui fait remarquer que, pourtant, la vie des passagers qui se voient dans l'obligation d'embarquer n'a pas de prix. Revue de la presse. Le journal Le Renouveau écrit sur des chiffres inquiétants d'épilepsie. Elle semble être un problème de santé au Burundi du fait de sa prévalence. C'est un facteur d'exclusion sociale qui entraîne des conséquences négatives sur le plan économique, selon le représentant légal de l'Action pour la promotion de la lutte contre l'épilepsie. Dans un entretien accordé à son quotidien, Jean-Pierre Nshimirimana note que la municipalité de Bujumbura est la plus menacée, avec plus de 1200 cas, suivis des provinces Gitega, Bubanza, Bujumbura, Makamba, Chibitoke, Bururi, dont chacune présente plus de 100 cas selon cette autorité. Il déplore cependant que cette maladie suscite beaucoup de préjugés. Selon lui, le déficit thérapeutique s'explique par la perception culturelle de la maladie, le peu de priorité qui lui est accordée, la carence en infrastructures et l'irrégularité de l'approvisionnement en médicaments. Santé encore avec l'agence burundaise de presse qui parle de la problématique de l'informatisation des hôpitaux du pays, telle que présentée lors d'une réunion d'évaluation semestrielle faite par le ministre avec les cadres du ministère de la Santé, les médecins provinciaux, les chefs de district sanitaire, les directeurs des hôpitaux. Il a été relevé que les hôpitaux n'ont pas les moyens de financer eux-mêmes ce projet en utilisant des fonds qui serviraient à d'autres priorités. D'où la nécessité de faire un plaidoyer pour que ces hôpitaux puissent avoir des partenaires pour financer cette informatisation. L'ABP rapporte que le ministre Tadeni Koumana a réaffirmé la pertinence de cette question et a proposé que l'informatisation des hôpitaux soit retenue comme recommandation à soumettre au comité de pilotage de la composante résilience qui regroupe tous les partenaires dans le domaine sanitaire, dont l'OMS. Still Think, un viol déguisé qui fait des ravages à Bujumbura, écrit le collectif des blogueurs Yaga. Selon les témoignages recueillis par nos confrères à mairie de Bujumbura et d'autres milieux urbains, le still thing est en vogue. Certaines filles ont été victimes de grossesses non désirées et de maladies sexuellement transmissibles suite à ce phénomène qui consiste à retirer son préservatif pendant le rapport sexuel sans aviser son partenaire. Ce billet donne l'exemple de Lina et Bella, tous pseudonymes, respectivement devenus mères et séropositives suite à cette pratique. Pire encore, cette dernière vit aujourd'hui de ses charmes, écrit le blogueur. Notre confrère note que la société burundaise préfère garder le silence devant des situations de viol, harcèlement et agression sexuelle. Toutefois, ces personnes sont à dénoncer, car c'est une pratique qui laisse les victimes dans un profond désarroi, selon Alexandra Brodsky, une juriste américaine, citée par Yaga, qui trouve que le still thing devrait être considéré comme une forme de violence sexuelle, puisque les deux partenaires doivent être consentants avant de retirer le préservatif, conclut le billet. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana et Lynn Ben-Nibigira. Excellent week-end à tous. Au revoir. Revue de la presse.